Bonjour, je m'appelle Céline Lepan. Je suis coach certifiée et formatrice. J'accompagne les personnes qui sont en recherche de sens, en questionnement professionnel et qui souhaitent se reconnecter à eux-mêmes. La situation que nous vivons est inédite et je souhaite vraiment vous accompagner à mon niveau à traverser cette période d'incertitude. L'idée de ce podcast, c'est de partager avec vous quelques pistes pour faire face au stress qui peut-être vous envahit et vous accompagner à retrouver une forme de calme intérieur. Cette crise nous met tous dans une situation de grande incertitude. Nous avons chacun à notre niveau des défis à relever. Bien sûr, il y a ceux qui sont sur le terrain et dont j'honore l'engagement. Il y a ceux qui doivent prendre des décisions et faire des choix urgents et importants pour sauver des vies humaines. Il y a aussi tous ceux qui travaillent à distance et tous ceux qui au contraire se retrouvent sans activité. Chacun à notre niveau, nous avons des défis personnels à relever. Votre défi personnel, c'est peut-être de faire face à la peur de la maladie pour vous et pour vos proches. C'est peut-être de faire face au manque de liberté et d'accepter une forme de liberté conditionnée, comme on le vit actuellement. Votre défi à vous, c'est peut-être de faire face à la surcharge de travail et à une gestion difficile avec finalement peu d'espace de productivité du fait de la présence des enfants à la maison. Ou pour certains, ça peut être aussi comme se fixer comme défi d'innover dans cette période et de se réinventer professionnellement, de connecter une forme de créativité. Quels que soient vos défis personnels, ils génèrent du stress. Nous sommes dans une situation de rupture d'équilibre et cette rupture d'équilibre, elle provoque chez nous une tension qui amène une réaction. Alors la première clé de lecture que je voudrais vous partager, elle porte sur le fonctionnement de notre cerveau face au stress et comment il réagit. Lors de l'annonce de la fermeture des écoles et de l'annonce du confinement, ça a été la stupeur pour tous. Après la stupeur, ça a été la réaction, le besoin de réagir à quelque chose que l'on ne comprenait pas et que peut-être on a encore beaucoup de mal à appréhender. Cette réaction, elle s'est faite avec notre cerveau reptilien. Il faut savoir que nous avons trois cerveaux. Le néocortex, qui est le cerveau des pensées, le limbique, qui est celui des émotions, et le cerveau reptilien, qui est celui de nos réflexes archaïques. C'est celui qui nous permet de faire face au danger. Nous réagissons tous face au danger et face au stress avec notre cerveau reptilien. Et avec ce cerveau, nous avons trois réactions possibles. La première réaction, c'est la fuite. Alors le ressenti dans ce cas-là, c'est de la peur, de l'angoisse, parfois de la confusion. C'est ce qui a poussé certaines personnes à faire des réserves, par exemple, à outrance dans les supermarchés au tout début du confinement ou à louer des maisons en bord de mer, par exemple. C'est ce qui pousse d'autres à être dans une forme de déni et de ne pas respecter les règles du confinement ou de se couper de toute source d'information pour ne pas voir la réalité sanitaire et économique de la situation actuelle. Pensez par exemple qu'une fois le confinement terminé, tout reprendra comme avant. Ça aussi, c'est être dans le déni. Nous n'oublions pas que finalement, l'événement majeur de cette crise, ça n'est pas le confinement. Le confinement, ça n'est que la conséquence. Donc, ne pas voir ça, c'est aussi être dans la fuite. Dans un autre registre, il y a plein de façons de fuir. Ça peut être aussi de changer son alimentation tout d'un coup. Ça a été mon cas, par exemple. J'ai eu une réaction primaire de manger beaucoup plus de sucre avant de finalement trouver de la ressource pour réguler mon alimentation. La seconde réaction qu'on peut avoir, c'est l'attaque, l'agressivité, la lutte. Donc la personne qui adopte cette réaction, elle va chercher à dominer ou en tout cas à ne pas se faire dominer. Donc le vécu dans ce cas-là, c'est de la colère, de l'agressivité, de la susceptibilité, de l'impatience, de l'intolérance. C'est les personnes qui râlent dans les supermarchés sur le personnel. On a vu en début de confinement des cas extrêmes de personnes qui ont été jusqu'à se battre. C'est aussi les personnes qui attaquent, qui jugent les autres sur les réseaux sociaux. On voit actuellement une exacerbation du commentaire en permanence sur tous les sujets. Or, on sait quand même que prendre des décisions aujourd'hui, qu'elles soient d'ordre médical ou politique, ce n'est pas facile. La troisième réaction, c'est l'inhibition, la paralysie. Donc là, finalement, dans cette réaction-là, je reste tétanisée face à la situation et incapable de me mettre en action. et d'être dans la réaction et dans l'action. Le vécu, là, c'est du découragement, de l'abattement. Ce sont toutes les personnes qui manquent d'énergie, qui dorment beaucoup, qui vont se lever tard ou se coucher tard ou rester en pyjama toute la journée, par exemple. Alors, je vous dis tout ça parce que ça peut être intéressant de vous interroger sur quelle a été votre réaction, dans quel comportement vous vous reconnaissez le plus et quelle est ou quelle a été la durée et l'intensité de votre réaction. Bien sûr, cette durée et cette intensité, elles sont directement liées à la situation qui nous stresse tous, c'est-à-dire à l'arrivée de ce Covid-19. Mais elle dépend aussi de la perception que vous avez de vos ressources pour y faire face. Alors l'idée, quand je vous dis ça, ce n'est pas de vous amener à porter un jugement sur vous-même, mais plutôt de mieux comprendre votre mode de fonctionnement pour reprendre plus rapidement le contrôle avec votre néocortex. Vous pouvez choisir d'amener dans cette réaction primaire de la pensée, de la réflexion, de la maîtrise de soi. Alors concrètement, comment je fais pour reprendre le contrôle? Eh bien, la première étape, je pense que c'est vraiment de comprendre que le stress et la peur, puisque la peur est l'émotion de base hein, qui est associée au stress, ont tous deux une fonction positive puisqu'ils favorisent l'adaptation. Ça permet d'augmenter mon niveau de vigilance et ça me met en alerte face au danger. Donc la peur, c'est un peu comme un radar sur ce qui représente une menace. Elle nous permet de nous mettre en action. Dans la situation actuelle, c'est ce qui nous a permis de prendre et de respecter des mesures de distanciation sociale, de porter un masque quand on sort, de respecter le confinement. Donc la première clé, c'est accepter mes peurs, les prendre en compte dans mes actions, puisqu'elles me permettent de faire face aux dangers et de développer des stratégies de protection. Mais attention, mon stress et ma peur ont une fonction positive, mais ils ont aussi un coût. Si je laisse la peur et le stress m'envahir, alors là, je ne trouve plus de ressources et d'énergie pour agir. Donc, comment je fais pour finalement développer une forme de contrôle sur ma peur? Puisque c'est un peu ça la deuxième étape. Première étape, c'est accueillir, accepter ma peur. La deuxième étape, c'est développer une forme de contrôle. Alors, la première chose que je vous propose de faire, c'est déjà de comprendre que la diffusion des informations, elle a un rôle essentiel dans notre manière d'aborder cette crise. Donc, choisir, sélectionner les informations que vous prenez sur cette crise, c'est déjà mettre un peu de contrôle dans tout ça. Essayez d'aller dans l'objectivité de la situation. Vous mettre au contact des informations qui vous paraissent les plus pertinentes possibles. De porter votre attention sur la quantité et la qualité des informations que vous choisissez. Alors, ça consiste par exemple à ne pas forcément regarder les médias en boucle nuit et jour et à nourrir vos peurs. Mais attention, ça ne veut pas dire non plus de ne plus s'informer, mais de choisir finalement le juste dosage et aussi les sources et la qualité des informations. Donc voilà, c'est aussi choisir les informations que vous voulez véhiculer sur le sujet, les conversations que vous voulez avoir avec votre entourage. Est-ce que je veux finalement me faire le relais de fake news et nourrir les peurs des autres? Ou est-ce que je veux me faire le relais d'informations plus pertinentes? Voilà, la deuxième chose que je vous propose de faire pour essayer de reprendre un peu le contrôle sur votre peur et de mettre un peu de maîtrise de soi, c'est d'aller vers le lâcher prise. Alors je sais, c'est très paradoxal et ça peut paraître un peu compliqué de lâcher prise dans une telle période. Et pourtant, lâcher prise, c'est vraiment l'antidote au stress. Le lâcher prise, ça a un impact corporel, émotionnel et mental. Et vous avez plein d'outils pour lâcher prise sur tous ces plans-là. Alors, lâcher prise sur le plan corporel, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être déjà de vous connecter à votre respiration. La respiration, elle favorise l'oxygénation de votre cerveau. Alors, bien respirer, c'est quoi? C'est utiliser de façon consciente, délibérée et amplifiée l'inspiration et l'expiration. Sous stress, on sait que notre respiration, elle devient plus courte, on cherche son souffle, on ressent des tensions musculaires. Donc, il y a plein de techniques de respiration qui vont vous permettre de retrouver du calme et de la sérénité. À vous de choisir celle qui correspond à votre besoin. Est-ce que votre besoin, c'est de vous détendre ou plutôt de vous dynamiser? Vous pouvez trouver, par exemple, des exercices de cohérence cardiaque sur Internet qui vont plutôt vous permettre de vous dynamiser. En tout cas, ne sous-estimez pas le pouvoir de la respiration. Si vous faites tous les jours des exercices de respiration qu'on appelle de la respiration consciente, vous en verrez très vite les bénéfices. Une deuxième chose que vous pouvez faire pour lâcher prise sur le plan du corps, c'est évidemment le sport. Le sport, c'est un outil de gestion du stress qui est fondamental. Si vous ne pouvez pas ou peu sortir pour la pratique sportive actuellement, vous pouvez malgré tout faire des séances de sport en ligne. Il y a plein d'applis qui mettent en ligne gratuitement des séances le temps de la période de confinement, donc ne vous en privez pas. Lâchez prise ensuite sur le plan émotionnel. Alors, de la même façon, vous avez plusieurs ressources. La première, ça peut être la pratique de la méditation de pleine conscience. Hein, la méditation de pleine conscience, elle contribue, on le sait, à développer une meilleure stabilité émotionnelle et à réduire le stress. Ça peut être aussi porter votre attention sur votre alimentation. Manger zen, c'est une autre façon d'agir sur le stress. Hein, on sait que les émotions constituent une dimension essentielle de notre rapport à l'alimentation. Et quand on est sous stress, on a tendance à manger plus gras ou plus sucré, ou même les deux. Donc portez votre attention sur ce que vous mangez pour retrouver du calme intérieur et disposer aussi de l'énergie nécessaire pour agir. Ensuite, ça peut être lâcher prise sur le plan émotionnel, ça peut être se faire plaisir et faire plaisir aux autres. C'est vraiment important pour retrouver une forme de stabilité émotionnelle, de se connecter à des sources de plaisir. Et d'ailleurs, on voit depuis le début du confinement une forme de créativité au service de l'humour, le besoin de véhiculer des choses drôles, de véhiculer de l'espoir aussi, se faire plaisir et faire plaisir aux autres. On le voit aussi hein, au travers de tous les éléments de solidarité, d'innovation pour la création des masques, ou le fait d'œuvrer à la transformation de masques de plongée en masques respiratoires. Toutes ces initiatives sont à poursuivre parce qu'elles sont porteuses d'espoir dans le futur et aussi parce qu'elles sont source de joie dans l'instant présent. L'instant présent, je rebondis là-dessus parce que cultiver l'instant présent, c'est aussi une clé essentielle. Pour être dans l'instant, vous pouvez déjà porter votre attention sur votre rapport au temps. Est-ce que c'est vraiment utile d'être dans le passé, de repenser, ressasser vos pensées sur des périodes passées qui ont été positives et nourrir cette idée que tout était mieux avant et qu'aujourd'hui tout part à volo? Ou à l'inverse, être trop dans la projection du futur et vouloir à tout prix se réinventer alors qu'on est dans l'incertitude la plus totale, ce n'est pas non plus productif. Donc personne ne peut dire de quoi demain sera fait. La seule certitude que l'on a, c'est que nous sommes au début de la crise. Alors on peut peut-être espérer qu'elle se stabilise d'un point de vue sanitaire, même si c'est pas gagné, mais en tout cas d'un point de vue économique, elle va inévitablement prendre de l'ampleur. Personne ne peut prédire aujourd'hui quelles entreprises ou quels secteurs d'activité vont mourir, lesquels vont survivre et lesquels vont en sortir grandis. Quelles que soient nos projections aujourd'hui pour demain, elles ne sont pas vraies. Donc on va perdre des choses, mais il y aura aussi de belles opportunités. Donc être en présence dans l'ici et maintenant, c'est essentiel pour ne pas perdre pied en fait et lâcher prise sur cet inconnu. Alors lâcher prise, c'est aussi lâcher prise sur le plan mental parce qu'il est important de ne pas être que dans l'émotionnel mais aussi d'être dans le rationnel et dans l'action. Alors pour être dans l'action et dans le rationnel, la première chose concrète que vous pouvez faire, c'est travailler à votre organisation. Prévoir une organisation qui tient compte de tous les avantages et les inconvénients de ce confinement. Prévoir des rituels, des rendez-vous, vous imposer une forme de discipline. Des rituels qui intègrent tout ce dont on a parlé un peu plus tôt, donc ça peut être un rendez-vous sport, un rendez-vous méditation, un moment de respiration, des moments de plaisir, mais aussi prévoir des plages horaires de travail, ou en tout cas d'activité mentale, même si je suis sans activité. L'idée, c'est d'avoir une forme de discipline, de cadre. Essayer d'avoir des heures de lever, de coucher réguliers. Voilà, lâcher prise sur le plan mental, c'est aussi, paradoxalement, identifier et se concentrer sur sa zone de contrôle. Donc, ça veut dire repérer dans la situation actuelle ce que je peux contrôler et ce que je ne peux pas contrôler. Je ne peux pas contrôler concrètement la recherche d'un vaccin, par exemple, ou les décisions qui sont prises par le gouvernement. Je ne peux pas contrôler les émotions des autres ou les choix des autres. Plus je me concentre sur ce que je ne contrôle pas, plus je me sens impuissant et plus ça me déprime. Ce que je peux contrôler, par contre, c'est ce que j'écoute, et on en revient aux sources d'informations, c'est ce que je pense et c'est ce que je dis. C'est aussi contrôler mes actions, ce que je fais. Donc je vous partageais tout à l'heure qu'il était trop tôt pour se réinventer et se projeter dans le futur. En revanche, nous pouvons quand même veiller à nous créer un futur en étant aujourd'hui dans l'action. Donc pour ça, je vous invite à vous poser une question, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui pour construire demain ? Et de là, travailler à vous fixer un objectif précis par rapport à votre pratique professionnelle ou à votre vie personnelle ou peut-être même les deux. Ça peut être, par exemple, de se familiariser davantage avec la visio pour insérer davantage de télétravail dans votre future façon de travailler. Ça peut être de réaliser une formation en ligne pour gagner en compétences à la sortie du confinement et mettre cette nouvelle compétence au service d'un nouveau projet. Pour ceux qui travaillent beaucoup et qui ont du mal à trouver un équilibre vie pro-vie perso, le confinement vous offre finalement une formidable opportunité, un vrai terrain de jeu pour tester de nouvelles manières de faire. Donc ça peut être ça aussi. En tout cas, voilà, je vous invite à vous fixer un objectif concret, qu'il soit pro ou perso, et qui participera à construire l'après, mais qui est faisable, réalisable dans le présent. Et essayez de vous y tenir. L'idée, c'est de sortir de ce confinement en vous disant que vous avez fait de votre mieux. Alors, faire de son mieux, c'est être dans l'action au quotidien, dans la limite de nos ressources du moment. Pour ceux qui connaissent les accords Toltec, hein, faire de son mieux, ce n'est pas faire mieux que mieux. Ce n'est pas se mettre la pression et finalement mobiliser trop d'énergie et perdre en efficacité. Mais c'est faire de mon mieux avec l'énergie dont je dispose au moment où j'agis. J'espère que ces quelques pistes vous aideront à retrouver du calme et à reprendre une forme de contrôle sur votre état émotionnel. Vous pourrez retrouver ce podcast sur ma page Facebook, Happy Déclic, ou sur mon profil LinkedIn, Céline Lepan. Si vous trouvez que ça vous a aidé, n'hésitez pas à le partager ou à le liker pour que d'autres puissent également en profiter. Si vous souhaitez aller plus loin dans l'accompagnement et bénéficier d'un coaching personnalisé en visio, n'hésitez pas aussi à prendre contact avec moi via mon site Happy Déclic ou par mail à l'adresse contact@happydeclic.com. Je terminerai ce podcast par une citation que j'ai découverte en visionnant un film documentaire que j'ai trouvé magnifique. Ce film s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Et je vous invite à le découvrir parce qu'il est en accès gratuit sur la toile durant toute la durée du confinement. La citation est la suivante. Entre ce qui m'arrive et la façon dont je réagis, il y a un espace. Dans cet espace, il y a mon pouvoir de choisir comment je veux réagir et dans mes réactions repose ma croissance et ma liberté. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et de vos proches.